Chrysanthème par Chen Jitong. Le chrysanthème est une des fleurs favorites des habitants du céleste empire. De nombreuses poésies se sont inspirées de ses couleurs charmantes. La plus célèbre est une pièce due à un lettré nommé Tao Yangming qui adorait cette fleur et exprima poétiquement son adoration dès le 5e siècle. 1000 ans plus tard, cette passion trouva un autre sectateur en la personne de Ma Tse-tsae de Pechili, et pris de cette plante jusqu'à se ruiner pour en collectionner toutes les espèces. Un de ses amis de la province de Nanking était venu passer quelque temps chez notre amateur et lui raconta qu'un de ses compatriotes possédait plusieurs types de chrysanthèmes qui n'existent pas dans les pays septentrionaux. Cette nouvelle suffit pour surexciter la passion dominante de Ma Tse-tsae, qui partit immédiatement pour aller voir ses raretés. Il finit par trouver deux plantes qu'il n'avait pas encore et les rapporta en triomphe. Pendant le voyage de retour, il fit la rencontre d'un jeune homme qui passait en voiture de maître. Ses manières distinguées lui attirèrent la sympathie de Ma Tse-tsae, qui y chercha et trouva bientôt l'occasion d'entrer en relation avec lui. La conversation, d'abord générale, dériva bientôt vers la botanique. Ma Tse-tsae fut trop heureux de raconter pourquoi il avait entrepris son voyage et de montrer ses trophées horticoles. Le jeune homme lui dit alors que toutes les plantes pouvaient devenir très jolies et atteindre une taille extraordinaire au moyen d'un arrosage spécial dont il possédait seul le secret. Enchanté de la rencontre, Ma Tse-tsae demanda à son nouvel ami où il allait. « Ma sœur n'aime plus l'air de Nanking. Nous allons habiter maintenant dans le nord. Je suis pauvre, mais ma chaumière est encore assez vaste pour que je puisse la partager avec vous, » dit Ma. « Si vous daignez accepter cette hospitalité rustique, vous n'aurez pas besoin de chercher un autre logis. » Le nouvel ami, qui dit alors se nommer Tao, n'osa pas accepter immédiatement cette proposition et voulut d'abord demander le consentement de sa sœur. Celle-ci, jusque-là enfoncée dans la voiture, montra, au moment de parler à son frère, sa figure charmante. C'était une jeune fille âgée d'une vingtaine d'années. Elle fut d'avis d'accepter. « Je ne crains pas le petit espace de la localité, » dit-elle tout haut, du moment qu'il y a un grand jardin. On se dirigea tout de suite vers la maison de Ma, qui logea ses hôtes dans un pavillon adjacent, situé dans un grand parc tout planté d'innombrables chrysanthèmes. L'installation achevée, le frère et la sœur s'occupèrent d'arroser les plantes qui prenaient sur leurs mains un développement merveilleux et revenaient même à la vie, une fois mortes, dès qu'elles étaient replantées et mouillées du mystérieux liquide. Dans les moments de loisir, le frère venait boire le vin avec son hôte et la sœur aidait Madame Ma à travailler à l'aiguille. « Vous n'êtes pas bien riche, » dit un jour Tao à son ami, « et nous venons encore augmenter vos charges. Cette situation ne pourrait durer longtemps si nous ne trouvons un moyen de nous subvenir. Je vous propose de vendre des chrysanthèmes. Voulez-vous faire ce commerce ?» Ma aimait ses fleurs par-dessus tout et l'esprit de spéculation lui était odieux. Il répliqua que s'il avait tant d'estime pour son hôte, c'est qu'il le croyait aussi amoureux que lui-même, que sa pauvreté d'ailleurs ne lui pesait pas, du moment qu'il pouvait satisfaire sa passion. La proposition de vendre des fleurs lui paraissait indigne des habitants de ce beau jardin, qu'il ne consentirait jamais à transformer en marché. Se procurer de l'argent par son propre travail n'est pas indigne, même de philosophe, dit Tao, et vendre des fleurs n'est pas un métier vulgaire. Je comprends qu'on ne doive pas chercher la fortune, mais l'on ne doit pas non plus rester à plaisir dans la pauvreté. Mais ce conseil ne fut pas goûté par Ma. La conversation que nous venons de rapporter jeta même un certain froid entre les deux familles. Tao ne revint plus voir son ami qu'à de rares intervalles et sur la demande de Ma. Enfermé dans son jardin, il y plantait des chrysanthèmes, utilisant à cet effet les branches sèches et les fleurs arrachées que son voisin avait jeté. Au moment de la floraison, Ma entendit des bruits de va-et-vient à côté de sa maison. Toute une foule venait acheter des fleurs chez Tao. L'animation ne cessa pas de la journée entière. Ma, indignée de la conduite de son ami, eut voulu rompre entièrement avec lui, mais les fleurs vendues étaient d'espèces rares, à lui inconnues. Il supposa que son ami avait encore d'autres secrets. Il alla donc lui demander des explications. En se dirigeant vers le pavillon, il vit d'abord que tout le jardin de Tao n'avait pas une motte de terre libre. Puis il reconnut sans peine que toutes ces fleurs, si belles, promenaient des misérables débris qu'il avait rejetés dédaigneusement. Tao reçut son bienfaiteur avec beaucoup de grâce et lui fit offrir un dîner au milieu du jardin. « Je n'ai pu me conformer à votre avis, à cause de mon manque de ressources, » dit-il pour calmer son invité. « Grâce à cette nouvelle profession de fleuriste, j'ai gagné pas mal d'argent et je pourrai de temps en temps me livrer sans regret au plaisir de boire en votre compagnie. » Le dîner fut charmant, les mets, tous délicieux, avaient été préparés par la sœur du jeune horticulteur. Au dessert, on causa un peu de tout, entre autres choses, de la situation des deux familles. « Pourquoi Mademoiselle Tao n'est-elle pas mariée ?» interrogea Ma à un moment. « Pas encore. Dans 43 mois, elle le sera. » Et Tao ne voulut pas continuer à parler de ce sujet particulier et ne répondit plus aux questions de son interlocuteur que par un sourire aimable. Le lendemain, Ma revint au pavillon et eut la surprise de voir que la plantation de la veille était déjà haute d'un pied. Il exprima le désir de connaître le secret de cet accroissement extraordinaire. « Il ne m'est pas possible de vous le dire ouvertement, » fut la réponse. « Et puis, à quoi cela vous servirait-il à vous qui ne voulez pas vendre vos fleurs ?» Quelques jours après, quand la saison des chrysanthèmes fut passée, Tao prit congé de son ami pour retourner dans son pays. Il eut grand soin d'emporter tout ce qui restait de racines et de tiges après les avoir enveloppées dans des nattes de roseaux. Il revint l'année suivante, au milieu du printemps, avec les nouvelles plantes de son pays, pour ouvrir un grand marché de fleurs. Ce commerce, durant 10 jours seulement, rapporta à Tao une fortune considérable. L'ancien jardin fut transformé rapidement en palais magnifique et un champ, acheté spécialement, fut affecté à la culture des chrysanthèmes. À son 3e voyage dans le sud, Tao laissa sa sœur pour garder son domaine. À l'époque ordinaire, il ne revint plus. Ma eut, peu de temps après, la douleur de perdre sa femme. Lorsque le deuil fut fini, il se sentit bien seul dans cette grande maison. Il aurait bien voulu épouser Mademoiselle Tao, favorablement disposée à son égard, mais la jeune fille voulait attendre le retour de son frère, qu'elle regardait comme son tuteur et sans lequel elle ne pouvait pas s'engager. Tao, cependant, ne revenait pas. En attendant, elle continua le commerce des fleurs qui augmenta sa prospérité. Elle acquit peu à peu presque tous les champs environnant la ville et les couvrit de nouvelles plantations. Tout à coup, on lui remit une lettre de son frère lui disant d'épouser Ma. Cette lettre venait de Canton. Chose bizarre, elle était datée du même jour de la mort de Madame Ma. Enfin, coïncidence plus singulière encore, il y avait juste 43 mois depuis le dîner où Ma avait interrogé le jeune homme au milieu des hauts chrysanthèmes, sur le célibat de sa sœur. Le mariage était décidé dès lors. Mademoiselle Tao eût désiré faire célébrer la cérémonie chez elle, mais elle dut céder aux instances de son futur qui ne voulait pas quitter sa modeste demeure. On pratiqua simplement une porte de communication entre la petite maison de campagne et le palais. Madame Ma, pour faire partager son bien-être à son mari, déménageait peu à peu ses meubles pour les faire entrer dans sa nouvelle demeure. Ma renvoyait tous les objets au fur et à mesure qu'elle les faisait apporter, en recommandant à sa femme de ne plus confondre les mobiliers des deux familles. Il ne voulait rien voir de ce qui provenait du commerce des fleurs. Madame Ma n'entendait pas se soumettre à un ordre aussi déraisonnable, et la fusion fut bientôt complète. Elle fit même rebâtir la maison de Ma pour la rendre digne de son palais. La seule concession qu'elle voulut faire aux exigences de son mari fut de cesser le commerce des fleurs. Mais son train de maison ne diminua pas, au contraire, elle rivalisa avec celui des plus grands seigneurs de la ville. Son mari ne voyait qu'avec une douleur profonde ces transformations, dues à la bande des fleurs, sacrée à ses yeux. « Ma vertu de 30 années est perdue par vous, » dit-il un jour avec honte. Cramponné à la ceinture de votre jupon, je perds par là tout caractère et toute dignité d'homme. Je vous assure que si j'ai encore un désir, c'est celui de redevenir pauvre. Je ne suis pas ambitieuse, répliqua-t-elle. Tout ce que j'ai fait a eu pour but de rehausser l'éclat de ma race, afin que les générations futures ne répètent plus que nous sommes destinés à la pauvreté perpétuelle. Il n'est pas difficile d'ailleurs de redevenir pauvre. Voilà mon argent. Dépensez tout ce que vous voudrez. Comme vous l'entendrez, je ne vous demanderai pas de compte. Dépenser l'argent des autres, ce serait aussi une honte. Je ne ferai pas cela. Vous ne voulez pas être riche, moi je ne pourrai pas non plus redevenir pauvre. Mais puisque vous voulez absolument vous trouver dans la position de fortune qu'il vous plaît, nous allons nous séparer. » Elle fit alors construire pour lui une enceinte en treillis dans le jardin et resta elle-même dans la maison du Nord. Quelques jours après, Ma ne pouvait plus supporter la solitude et supplia sa femme de venir le voir. Elle refusa énergiquement et le pauvre amant des fleurs dut aller chez sa femme dont il ne pouvait plus se passer. Il le voyait bien. « Manger dans un endroit, dit Madame Ma en riant, et coucher dans un autre, est-ce là une conduite d'homme vertueux ?» Comme Ma ne savait que répondre, la réconciliation eut lieu naturellement et le treillis fut abattu. Peu après cet incident, Ma, conduit par un hasard à Nankin, rencontra son beau-frère qui tenait un grand magasin de fleurs. Il l'invita à revenir avec lui dans le Petchili. Tao résista et Ma dut le forcer à vendre sa maison pour le décider à partir, tant le jeune homme tenait à son pays natal. À leur retour, Madame Ma préparait l'appartement destiné à son frère, comme si elle savait d'avance qu'il allait arriver. Depuis lors, les deux beaux-frères, riches et libres de toute occupation, se livraient seulement au plaisir de boire le vin. Ils n'avaient pas d'autre ami qu'un nommé de Seine, qui adorait aussi les présents de la vigne. Un soir, Tao, grisé par des libations abondantes, fit une chute et se transforma immédiatement en chrysanthème de taille énorme, portant une dizaine de fleurs, grandes comme des assiettes. Sa sœur apparut aussitôt, l'arracha du sol, où il s'était déjà implanté, le couvrit de ses vêtements et le coucha par terre. Le lendemain, on trouva Tao endormi au pied du mur du jardin, à l'endroit même où on l'avait étendu. Ma comprit alors que le frère et la sœur étaient des chrysanthèmes métamorphosés. Mais l'estime et l'affection qu'il avait pour eux ne fit qu'augmenter à la suite de cette découverte. Depuis, Tao se livra encore davantage à la boisson et chaque fois il invitait Tsen à venir boire avec lui. À l'occasion de la fête des fleurs, Tsen, dans le dessein de griser ses amis, mit des drogues dans une cruche de vin qu'il offrit aux convives. Vers la fin du repas, Tao, après avoir bu démesurément, fut de nouveau transformé en chrysanthème. Ma était déjà habitué à cette transformation. Il coucha donc la fleur comme la dernière fois, en restant à ses côtés pour constater les détails de la métamorphose. Mais cette fois, les fleurs se desséchèrent tout de suite et la plante paraissait mourir. Madame Ma, informée aussitôt par son mari effrayé, accourut en pleurant. « On a tué mon frère !» s'écria-t-elle. Elle ramassa la plante, la mit dans un pot et l'arrosa elle-même chaque jour. Le chrysanthème reprit force et vie. À l'automne, ses fleurs répandaient un parfum suave, mêlé de l'odeur du vin. On appela depuis cette fleur le Tao enivrant. Quant à Madame Ma, on n'eut à constater aucune particularité à son sujet jusqu'à sa mort. Ainsi s'achève Chrysanthème par Chen Jitong.